Section 7 de Contes, anecdotes et récits canadiens par Aristide Filiatro. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. L'appendicite. Angélique Va de Bon Cœur est une paroissienne comme on n'en rencontre pas souvent dans la vie. Elle vit le jour, je crois, dans une bourgade située en arrière de Joliette. Ne sachant ni lire ni écrire, notre chère Angélique était pourtant fort ambitieuse, ce qui lui était tout à fait légitime de sa part. Ne voyant aucun espoir d'avenir dans son trou natal, elle prit la route des États-Unis. Elle entra dans un hôpital, montant en grade, devint garde-malade et ne tarda pas à acquérir l'art de manier les cas les plus graves. Toutes ses tendresses et la sollicitude étaient dévouées à ses patients et elle leur donnait des soins vraiment maternels. Tout ce dévouement méritait une récompense adéquate, si j'ai foi dans la loi des compensations, et elle obtint au moment où elle s'y attendait le moins, ayant fait son service par pur amour de son prochain. Un jour, elle rencontra dans son hôpital un malade qu'elle soigna plus que de raison. Elle lui prodigua tous les soins que son état nécessitait. Il revint à la santé, il lui proposa le mariage. Elle accepta et le couple vint résider à Montréal. Comme je vous l'ai dit plus haut, Angélique avait beaucoup de qualités solides, mais elle avait aussi un défaut rédhibitoire dont elle ne s'est jamais guérie. Elle se fourrait le nez dans toutes les affaires qui ne la regardaient pas. On m'objectera peut-être que ce défaut est à peu près général, mais je répondrai qu'il semble plus caractérisé chez nous que partout ailleurs. Elle voulait à tout prix savoir ce qui bouillait dans la marmite de son voisin, et pour mieux arriver à ce résultat, elle avait deux paires de lunettes, l'une plantée sur le dessus de la tête pour voir ce qui se passait chez les gens qui habitaient au-dessus de son logis, et l'autre juché sur son nez pour se rendre bien compte des agissements des voisins d'en face. Elle connaissait mieux les affaires de tout ce monde-là que les intéressés. Un jour, un jeune homme du voisinage ayant subi l'opération de l'appendicite, elle expliquait à ma femme la nature de cette maladie. « Je vais vous dire, madame, exactement ce que c'est que cette infirmité qui est bien connue de tout le monde. » Les docteurs ne veulent pas le dire aux pauvres gens parce que ça leur empêche de faire l'argent. Aussi, quoi qu'ils ont pas fait, ils ont inventé un nom qui fait peur au monde et ils vous coupaillent un homme le temps de le dire. Et pourtant, c'est bien simple, allez. Ça prend dans les alentours du nombril pour faire le tour du corps et arriver jusqu'au poumon des reins. De là, ça remonte jusqu'à la virgule droite. Ça traverse ensuite la moelle sapinière jusqu'à la virgule gauche pour descendre au poumon qui se trouve proche de la rate. Ça repart encore pour arriver plus haut, ce qui produit une soulevation du cœur et rendu là, faut que la personne renvoie. « Et comment appelez-vous cette maladie dans votre pays ?» dit ma femme imperturbable, une pince sans rire. « Je ne vous dis que cela. » « Je vais vous dire, madame, car chez nous, on parle pas des larmes, on parle pas les termes, vous savez. On n'est pas ben instruit. Ici, en ville, comme je vous l'ai déjà dit, les docteurs ont inventé un nom qui fait peur pour faire de l'argent à bon marché. Ils appellent ça l'appendicité. Tandis que le vrai nom, ben connu par tout le monde, c'est le développement des tripes. Un pauvre ouvrier se fait tuer à son travail vers 7h30 du matin. Il s'agissait d'avertir sa femme avec tous les ménagements possibles. On chargea de ce soin l'un de ses camarades qui se fit fort d'annoncer l'accident à la veuve avec toute la délicatesse voulue. Il se rendit incontinent chez elle et la trouva en frais de laver sa vaisselle. « Ma chère dame, dit-il, j'ai une triste nouvelle à vous annoncer. Votre mari, qui travaillait avec nous, est tombé du troisième étage d'une maison en construction. Il s'est fracassé le crâne Il est mort raide. Les camarades vous l'apportent. Et ils seront ici dans 5 minutes. Vrai? Eh ben, attendez. Je vais finir de laver ma vaisselle et vous allez voir une femme qui braille. Fin de la section 7. Les Passandras, près de Montréal, 2026.